Le pronom en, reading the example sentences. Il y a du courrier. Il y en a. Il n'y en a pas. Il y a une salle de conférence. Il y en a une. Il n'y en a pas. Il y a des chaises dans la classe? Oui, il y en a six. Non, il n'y en a pas.